Après bientôt 3 ans, Lisbeth commençait à voir les progrès de la sape souterraine à laquelle elle consumait sa vie et dévouait son intelligence. Lisbeth pensait, Madame Marneffe agissait. Madame Marneffe était la hache, Lisbeth était la main qui la manie. Et la main démolissait à coups pressés cette famille qui de jour en jour lui devenait plus odieuse. Car on hait de plus en plus, comme on aime tous les jours davantage quand on aime. L'amour et la haine sont des sentiments qui s'alimentent par eux-mêmes, mais des deux, la haine a la vie la plus longue. L'amour a pour borne des forces limitées, il tient ses pouvoirs de la vie et de la prodigalité. La haine ressemble à la mort, à l'avarice. Elle est en quelque sorte une abstraction active, au-dessus des êtres et des choses. Lisbeth, entrée dans l'existence qui lui était propre, y déployait toutes ses facultés. Elle régnait à la manière des jésuites, en puissance occulte. Aussi la dégénérescence de sa personne était-elle complète. Sa figure resplendissait. Lisbeth rêvait d'être Madame la maréchale Hulot.